L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 29 mai, la compagnie de l'Instant vous propose un spectacle d'improvisation à l'MJC Bazin. Ça s'appelle Switch et pour nous en parler, nous avons Stéphanie au téléphone. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour à tous. Et très contente de vous avoir au téléphone aujourd'hui pour parler de ce spectacle. Un retour sur scène donc pour la compagnie de l'Instant. Oui, un retour sur scène attendu depuis de nombreux mois. Alors on espère que les spectateurs seront au rendez-vous, mais en tout cas nous on est absolument ravis de retrouver les planches de la MJC Bazin. Alors ce sera le 29 mai à 18h et pour un spectacle d'improvisation, hein, car c'est votre cœur d'activité au sein de la compagnie de l'Instant. Tout à fait, on fait du théâtre improvisé depuis maintenant 3 ans et on se produit régulièrement dans la région, voilà. Alors ce spectacle Switch, vous avez plusieurs concepts hein, au sein de la compagnie. Switch, de quoi ça parle plus précisément? Alors Switch, c'est un concept d'une seule histoire où autant de personnages seront présents que d'acteurs, de comédiens sur scène. Donc c'est rien n'est prévu à l'avance. C'est les joueurs qui sont à la fois metteurs en scène et à la fois comédiens. Et on va demander des petites impulsions de lieux au public qui généralement est assez friand de nous envoyer dans des lieux improbables pour improviser. Donc c'est une seule et même histoire avec 5 personnages. Vous avez déjà un début d'histoire, une trame? Pas du tout. On part à blanc, complet. Complet, donc vous savez pas jusqu'où vous pouvez aller? Pas du tout. C'est vraiment complètement improvisé de A à Z. On ne connaît rien avant, il n'y a pas de trame, il n'y a rien du tout. Et ça se noue au fur et à mesure des relations sur scène et des lieux dans lesquels on va improviser. C'est un spectacle qui dure combien de temps à peu près? Une heure et quart. Une heure et quart complètement improvisé avec donc combien d'acteurs sur scène? Alors je viens de vous dire 5, mais en fait je me trompe, on sera 6. 2 invités, car régulièrement aussi hein, dans vos différents concepts, vous avez de nouvelles têtes, de nouvelles voix qui viennent vous accompagner. Exactement, voilà, en plus de nos comédiens donc de la compagnie, on aime inviter des improvisateurs. Donc là on a 2 improvisateurs qui viennent nous rejoindre, qui viennent de Metz. Et voilà, ça permet effectivement d'avoir des scènes d'autant plus original qu'on ne joue pas forcément toujours avec les mêmes personnes. Il y a des personnages qui reviennent un peu d'un spectacle sur l'autre. Est-ce que les improvisateurs ont parfois plus d'habitude dans un personnage plutôt que dans un autre? Oui, alors cela dit, on essaye de contrer parfois justement nos impulsions d'origine pour aller chercher des choses un petit peu différentes. Mais voilà, on a tous, je pense, des personnages dans lesquels on est plus à l'aise et qui reviennent parfois sans qu'on le veuille. Mais on essaye quand même de contrer ça et d'aller fouiller un petit peu plus loin. Voilà, pour se mettre toujours un peu en danger et puis pour faire rire le public qui en a bien besoin. Donc avec, oui, on va essayer de pas trop le faire pleurer. Il y a parfois un peu d'émotion, mais on va essayer de passer justement pour le coup un bon moment. Alors Switch, c'est un de vos concepts, je le disais. On aura peut-être la chance de vous revoir sur scène aussi prochainement. Vous prévoyez déjà d'autres dates? Oui, alors tout à fait. Déjà, on prévoit, parce qu'on propose aux particuliers en fait de nous recevoir dans leur jardin ou dans leur cour en extérieur pendant la période d'été. Donc avec des concepts vraiment très très proches du public, les gens invitent leurs amis et puis nous on vient se produire à domicile. Donc voilà, c'est déjà que on en a fait, ça fait maintenant 2-3 étés qu'on fait ça, toujours très très sympathique. Donc les gens peuvent nous contacter pour ça. Et puis on est en train de prévoir la programmation avec très certainement un premier spectacle le 2 octobre. Tout ça, bien sûr, on peut vous suivre hein, sur les réseaux sociaux comme on fait. Tout à fait, on a une page Facebook qui est très facile à trouver, Compagnie de l'Instant, on nous trouve facilement. Donc Switch, c'est le samedi 29 mai à 18h à la MJC Bazin, dans le respect des gestes barrières, bien entendu, avec une jauge limitée, j'imagine. Tout à fait, alors on a une jauge limitée, c'est pour ça qu'on demande aux gens de réserver avant, parce que on a une jauge à 50% de la salle pour que justement toutes les conditions sanitaires soient réunies et le public, bien sûr, portera un masque. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette reprise? Du bonheur sur scène. À partager avec le public. Merci Stéphanie. Merci Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.